Mississippi, Cameroun. Tala nenge na zole la puna bolingo na yoi. Pascal Noble, Emerald Katanga, Ornel Mouyambaye. Ma salut à tes chers au lieu de faire la bourrillon, que si ma combo, tu es trop méchant. Na lista de péchage, y'a mon témano, la bimi koutir, la kadusa qui est vrai, ce qui s'est à fond. Quand t'as y'a la la. On m'a cru que j'ai l'anzo comme un loco. Ouais, bien, fanaka, na katinae. Kasi ki jari metite, so kemiki Boni kumuangana Akosika na moto, na soba na kore procheo No kitobo ya mba Losi ya sasa DJ Mion DJ Petit Prince Na etendu a plusieurs hectares Olie fratère, il a bourré yo Kasi na kongo, tu es trop méchant Laetitia Na lista refecha Nya mouté mano, na bini koutire Na kanisa ki apre, jokke se ya pro Zamba kokyo chela nzo komo noko Yona kapeta ye Kwe pia bandata na katina ye Kasi kija limetite sofia neki Soulange msembo Ako sika na moto na zoba na kore procheo Nokiko boya mba Myriel Franklin a pointe noire Robert Soukal Mouke mananga e zisha Poli wanda e la disine koti ya nzuke Max Mayaka Orange Masati mame Gisèle Ondekani Lopez Mwanda Yoga Masekela Bobo Botoe Basanti ma Mississippi Bobo Kiamon Akata Ofundo Yassiderichi Japan Akasuko Kursi Pam Sibo Sabiloa Didier Mayabo Trois fois KO. Na kumi zobae, bongi si iki chingi chingi muna mu. Rit Mayabu. Kukwa kufa, atikila papa heritage. Isuma na fetu, zubini jise na yangu. Mandi Mandobo, Kimonde Mkuma, Pichuki Mpwelale, Irene Kindo, ya Serge Mopenge. Oli mwani sisi te kufi, na mote mae. Etiki kaka, heritage ya souci. Pati Malobo. Laurence Nkoko le pétrolier. Edgar Béré, triple A. Mississippi en commis, ma tombe dans mon finale. On y gira pour pas voler pour ma commission. Y'a ce qu'il m'a naïe. Janine Kalanga, Mwepo, Manu Matondo. Boli moi Mississippi, mon selo. Kole kapo suita be, chipe mindia. Jacques Machuka na pointe noire. Kala nga na selo mouki na babani. Alain Dombasi, 78. Francisco Fuala, Sera Malela du Bénin, Mambo Massie, Aloube Kitoko. Les Bangalos, Germain Vambi, Fabri Boto Noble, Yamagali Kumba, Pater Mabula, Nakumi Lokola, Soda Oyo, Batibi Ena, Framba Pesie Mando Kite, Fabri Kulula, Estake Fouwa Fouma, Touba Fouma, Gelor Ingila, Papa Janel, Shuka Gilan, Lido Via Ike, Malou Bombo Kamine. Kosalati, Kosobe Salatoki, Mabutu Aboni, Motona Tomu Azongi Kosia, Akonyore Tete, Mota Fute La Kaye, Minefa, Le Président Omba Lumumba, Mota Soto Senaye, Toki Fara, Oko Buka Saye, Papi Tombala, Mariam Kojok, Leila Kojok, Mikan Sebaya Kaye. Mikan Kala Labo Ikaye. Mikan Sebaya Kaye. Philippe Mibambo, Mama Blanine Faye Faye. Constitution ya bolingo modifié, office avantage na nikes baya kao. Kosika na moto pona kolambela yuma kusotali pamae, teme perdu. Frido Lyon ou le trésor de Mel, comment on a kakaboué? Des pères boué en maïe. Mission pour tout, et a tchouqué le moto. Santé maïe, comme il faut côté la maïe. Y'a mon lana qui m'y rendez-vous na yo. Niki Kobi. Kanisamba la bonne na et si taki. Kope sa yo y'a même au thé, ma Mississippi. Parson is the bomb. Eh, na yo. Hérité de beaux quartiers, Maki Mouchila Yashiko Mabele Mamel, Bruno Mata de Poutine, Le Mabouvi. Salon Jojo Abiba, Marielle Malaya. Esther Kiyaku. Ani Demboye, Gisèle Zinga, Mama Wiva. L'âme de Moussima Narene Loli Sambou Chouna Mokondi Bobo Massa Tendance Double S Willy et Fatou RBC Bio Chris et Claude SARBC Affaire Nakatia Saint-Ouen Nana Swana Nathalie